où je veux, bordel. Papa, papa. Je vais rester à pisser dans mon lit. Bâtard, bâtard. Tu vas me formater au système Amnir. Pissez-tu, je suis pas là. Je suis dans la caisse. Imaginez l'enfer de la défécation. Je chierai dans la douche, dans le lit, dans la caisse. Dans le landau de chéri, ma petite sœur. Je pisserai dans ta couche, au pénis, pendant la messe. Maman, maman. Laisse-moi pisser où je veux, bordel. Papa, papa. Je vais rester à pisser dans mon lit. Bâtard, bâtard. Tu vas me formater au système Amnir. Pissez-tu, je suis pas là. Changez mes draps, je pose une bombe dans la baraque. Et même si ça pue, si c'est pas très hygiénique, j'en ai rien à foutre, la liberté de chien. T'as compris ou t'as pas compris? Maman, maman. Laisse-moi pisser où je veux, bordel. Papa, papa. Je vais rester à pisser dans mon lit. Bâtard, bâtard. Tu vas me formater au système Amnir. Pissez-tu, je suis pas là. Je suis dans la casserole. J'ai pas compris. We are the children of the shit. Parents are full of fucking sodomy. It is revolution time. The old we died. Leave it clever. We love the mammoths, and mammoths doesn't exist anymore. Rebirth is a god. To be or not to be, that is a pity. Parce que vous êtes pédé que vous tournez le dos et vous êtes le dernier des abrutis. T'as des amis à vous, c'est des connards. Vous êtes le dernier des abrutis. Même si je tourne le dos pour venir m'enculer, il va falloir se lever très tôt le matin, c'est pas de ça qu'il s'agit. Maman, maman. Laisse-moi pisser où je veux, bordel. Papa, papa. Je vais rester à pisser dans mon lit. Bâtard, bâtard. Tu vas me formater au système Amnir. Pissez-tu, je suis pas là. Je suis dans la casserole. Ah bah voilà, maintenant je comprends mieux comme ça.